na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Conte encore une histoire de notre vécu. Tu sais d'où on vient, Rivière à Trois, Cobrassi, hein. Yo, Abidjan, représentant. Yo, écoute, encore. Yo, clair de lune, des mots et une plume. Ainsi, je suis dans mon lit, compte une étape de ma vie. 19 ans, 12-12-05, rien de neuf, juste un flingue, un esprit malsain. Sur le beat, je marque des buts. Dans la vie, je comprends beaucoup, mais au fond, dans mon vécu, très humain, un simple match nul. Qui est censé lier des honneurs, ces liens me créent des ennemis. Sans pour autant me faire des amis parmi une meuf, je suis le mentor. L'étoile noire à la Dark Vador, une valeur sûre. Sur le beat, un rappeur dur, cogneur, grogneur, tu vois sauvage. Je suis le Mac, enragé, fabricant de lyrics cruels, créé pour déranger. Hein, moi, je viens déroger à la règle pour que ceux qui m'aiment pas raquent. Rouge de haine ou de peur, je m'en fous, j'enrage pour foutre la terreur planquée. Enterrée dans cette mission, je suis là défendu, man. Hey, je représente classique sur le mag. Hey, je représente classique sur le mag. Hey, 1, 2, 3, cri classique, classique, là encore, là encore, yes. Yo, yo, classique, Van Gogh, la roque, yes. Tu veux savoir de quoi j'ai envie dans cette vie, sauf qui peut. Dans ma haine, sans peine ni haine, mon vécu, pas la peine. Préfère ce bon jardin d'Éden. Sans mes dents, c'est pas grave, je vous voudrais tout le temps. Je veux te dire si ma vie vaut la peine. Que je me batte pour toi, sans toi, savoir que là-bas tout se passe bien pour toi. Alors qu'ici tout va mal pour moi. On pose ma peine sur ce pic, il y a peine neuf. Et les lyrics sont transmis dans mon cerveau, mon gars, ma force et mon vécu. Convaincu de voir ce que ma voix a en train de faire. Hein. Sur le mic, je grogne, je fais mal au microphone. Microphone.